ton nom pour le futur, pour le. OK. Donc. On va suivre ça d'après. Je vais te parler maintenant du. C'était en fin de semaine. Jeudi passé, c'était le College Award Show. Ça, c'est le trophée Heisman. Tu t'es prononcé sur le trophée Heisman. C'est tombé en plein dedans. C'est Joe Burrow. C'était pas vraiment surprenant, mais quand même. Et c'était le College Award Show. C'était la première fois que je voyais ça vraiment là, sur les ondes de ESPN. Et si on y allait maintenant avec les gagnants, est-ce que t'es vraiment surpris des gagnants? Pas vraiment. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, je pense que LSU on devrait tout gagner. Ouais. Le joueur de l'année avec Joe Burrow, instructeur de l'année avec Ed Orgeron, instructeur assistant ou coordinateur de l'année avec Joe Brady, là, qui est le coordinateur offensif de l'équipe. Je dirais le seul prix qui m'a fait un peu sourcilleux, c'est le joueur. Le demi de coin ou le demi défensif de l'année, le gagnant était Grant Delpit de LSU, okay, qui remporte le Jim Thorpe Award. Je pense que Grant Delpit a connu une bonne saison, mais personnellement, je pense qu'il est même pas le meilleur joueur défensif ou le meilleur demi de coin de son équipe. Là, un gars comme Derek Stingley, un joueur de première année qui a vraiment été exceptionnel cette saison avec des statistiques incroyables. Je pense que c'est un joueur qu'on va entendre parler beaucoup dans les prochaines saisons, puis qui a mieux fait que son coéquipier Grant Delpit. Mais sinon, là, je pense que la plupart là, des choix, les joueurs qui ont reçu des trophées, c'est des joueurs là, qu'on a parlé au courant de la saison, là, que ce soit Chase Young, qui est le joueur défensif de l'année, ou Isaiah Simmons, qui est le meilleur maraudeur avec Clemson, Jonathan Taylor, le meilleur porteur de ballon. Donc, c'est des joueurs qu'on a parlé tout au long de la saison, puis c'est tous des prix qui sont mérités pour eux. Là. OK, on va y aller avec les bowls maintenant. Ça commence en fin de semaine. Évidemment, juste les bowls avant Noël, c'est les bowls les moins prestigieux après Noël. Après ça, t'as les bowls intéressants et t'as les éliminatoires. T'as toutes sortes de bowls aussi. On va y aller avec, en fin de semaine, quel bowl tu retiens le plus? Je te dirais qu'il y a plusieurs matchs là, qui retiennent mon attention. J'ai vu SMU? Naturellement. Ouais, SMU, non? Ouais, j'allais justement parler de SMU là, qui se déplace à Boca Raton pour aller jouer le Boca Raton Bowl. Ils vont affronter l'Université de Florida Atlantic. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'Université de Florida Atlantic, ils jouent dans leur stade. Donc, okay, c'est un match à domicile pour eux. On devrait avoir beaucoup de fans de l'université qui vont être là. SMU, on le sait, là, ils ont connu une belle saison. Shane Bushell au poste de corps arrière qui a lancé pour plus de 3500 verges, 33 touchés. Je pense que ça va être un match intéressant. Puis, Shane Bushell pourrait devenir un futur le choix au repêchage de la NFL, là, une espèce de deuxième violon là, pour une équipe de la NFL qui pourrait devenir intéressant là, dans les prochaines saisons. Donc, gros match pour lui. Puis sinon, je pense que le match du week-end, là, le match que beaucoup de gens vont porter attention, c'est samedi soir à 19h30 sur ABC, le Las Vegas Bowl entre Boise State et Washington. Oh, Boise State, c'est probablement le meilleur bowl. C'est Boise State qui est une des bonnes universités. Oui, on parle d'une équipe qui est classée 19e au pays avec une fiche de 12-1. Mm. Affronte Washington dans la Pac-12 qui sont 7-5. Qu'est-ce qui est vraiment particulier avec ce match-là? C'est l'histoire derrière le match. Je pense qu'on s'en est parlé il y a quelques semaines. Mm. Chris Peterson, l'instructeur de Washington, qui a annoncé qu'il allait prendre une année sabbatique ou en tout cas quelques temps pour réfléchir à son futur. Mais Chris Peterson, c'est lui, dans le fond, qui a mis Boise State sur la map. C'est lui qui a vraiment changé ce programme-là, qui l'a transformé en vraiment là, une équipe là, qui a été mythique là, dans les 15 dernières années, avec des gros matchs dans le bowl. On se rappellera la victoire contre Oakland, si je me rappelle bien, en 2006 ou 2007. Puis là, ben, Chris Peterson, il est l'instructeur de Washington. Donc, c'est son dernier match contre son ancienne équipe. Ça va être intéressant aussi de voir là, la performance de Jacob Eason, le corps arrière de Washington. On ne sait pas pour l'instant s'il va être de retour pour sa saison senior l'an prochain. Mais sinon, ça va être aussi un joueur intéressant à suivre pour le prochain repêchage. Donc, pas beaucoup de gros bowls, mais quand même, là, on a peut-être deux ou trois bons matchs là, qui pourrait être divertissant au cours de la fin de semaine. Boys State, c'est vraiment le gros. C'est vraiment le. Écoute, d'être un petit. Ils ont été quelque part, Boys State. Ils étaient une puissance. Ça a baissé un petit peu, hein? Ben, ça a baissé un petit peu dans le sens que. Je pense que ce qui arrive, c'est qu'avec le nouveau système des bowls, puis on invite seulement une équipe du Group of Five, les équipes de la AAC, la Athletic Conference, là, on parle d'équipes comme Memphis, UCF, Houston, c'est toutes des équipes qui ont connu des succès dans les dernières années. Boise State connaît toujours du succès, mais Boise State joue vraiment dans une division très ordinaire, donc ça les désavantage un peu. Mais encore une fois, cette année, on parle d'une saison de 12 victoires, une défaite, 19e au pays. Boise State, là, vraiment au milieu de nulle part, là, en plein milieu de l'Idaho. C'est pas une place vraiment facile pour recruter, une place qui est des plus attirantes vraiment pour jouer, là, pour des joueurs qui sortent du secondaire. Donc, de réussir à compléter des fiches de plus de 10 victoires année après année, ben ça vaut là, son pesant d'or selon moi. OK. Wallet, on se parle bientôt. On se reparle durant le temps des fêtes pour la rétrospective. On va faire le tour des éliminatoires. Parfait. Du Blitz NFL Wallet.